Seigneur, c'est notre prière. C'est d'être plus près de toi, Seigneur. Alléluia. Te connaître tel que tu es. Toi, le seul vrai Dieu. Toi, le seul vrai Dieu. Alléluia. Venir à tes pieds. Alléluia. Car tu es notre Dieu, Seigneur. C'est notre désir. Demeurer en toi, Seigneur. Demeurer en toi. Toi, oh Jésus, et parler avec toi, Jésus. Oui, c'est ma prière, c'est ma prière. Être plus près. À tes pieds, je veux rester, Seigneur, et demeurer. Encore plus près de toi. Pour habiter dans ton royaume, Seigneur, Jésus. Que tu trouves en mon cœur un serviteur. C'est la vie, Seigneur. Alléluia. Ta présence est la vie. Alléluia. Ta présence est la vie, Jésus. Toujours plus près. C'est ma prière. tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Je vous invite à vous regarder dans le miroir et dites ça. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. J'entends tout le monde. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. J'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Seigneur, tout est à toi, Seigneur. sans rien garder en moi, Seigneur. Prends, je me livre. Prends tout, Seigneur. Oui. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Thank you. ainsi son âme. Le sauveur de ce monde est tombé de son corps sur la croix, son sang versé pour moi. Il prit le poids de tous mes péchés. Le Fils de Dieu livré aux ténèbres. Le combat est mené, la guerre est remportée, la force de l'enfer est brisée. D'un tremblement de terre, déplacé fut. Oh, Et toi seul sois élevé. Nous venons à tes pieds te rendre une adoration que toi seul mérites. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. À tes pieds, ô Dieu, je me prosterne pour t'adorer. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Oui, tout genou toute langue confessera que tu es Seigneur. Oui, tout genou fléchira devant le roi des rois. Toute langue confessera que tu es Seigneur. Tout genou fléchira devant toi, devant le roi majesté. Et toute langue confessera, revêtu de gloire, tu es Seigneur. Tout genou fléchira devant toi, devant le roi. Toute langue confessera, toute langue confessera que tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tout genou fléchira devant toi, devant le roi. Toute langue confessera, toute confessera que tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tout genou fléchira devant toi, devant le roi. Toute langue confessera, toute confessera que tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tout genou fléchira, genou fléchira devant toi, devant le roi. Toute langue confessera, toute confessera que tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tout genou fléchira devant toi, devant le roi des rois. Toute langue confessera, confessera que tu es Seigneur. Oui, tout genou fléchira devant le roi des rois. Et toute langue confessera que tu es Seigneur.